Le crime par Jean Rébrard. Chapitre 1er. Pour Antoine Jaubert, instituteur à 23 ans dans un village très pauvre, Madame Frémont, jeune encore, mince et blonde, retirée depuis son veuvage près d'une vieille parente morose, incarnait la beauté même et l'éternelle séduction de la femme. Dès le début, par la similitude de leur exil en un milieu grossier, une sympathie les avait rapprochés, vite accrue à mesure qu'ils se connaissaient davantage. Mais, petit, chétif, boiteux, conscient d'une misère physique qui aurait suffi à lui enlever toute espérance, Antoine faisait paraître seulement une amitié, tandis que Hélène, par une pitié peut-être des sentiments qu'elle devinait, laissait monter parfois, dans ses regards et dans sa voix, une tendresse presque maternelle. Cet amour, pareil à un feu voilé, rayonnait ainsi, sans les troubler, une douceur dans leur vie. Antoine, cependant, remarquait avec une inquiétude croissante les fréquentes pâleurs de la jeune femme. Souvent, il la trouvait les yeux gonflés de larmes récentes. Des soupirs que son sourire triste, ensuite, dédaignait d'expliquer, le tenait dans l'angoisse continuelle d'une souffrance profonde qu'elle lui dérobait. Respectant son silence, il osait à peine la muette interrogation d'un regard. Mais insensiblement, grâce à des mots échappés, à des coups d'œil surpris, il pénétrait un peu de sa tristesse, et elle-même, en des heures de lassitude, cédant à un besoin de consolation, acheva de lui découvrir toute la lente torture de sa vie. Son mari, qu'elle avait aimé avec passion, s'était ruiné par des spéculations malheureuses dans lesquelles sa dot même avait été engloutie. Elle était demeurée à la charge de la vieille parente de M. Frémont, près de qui elle vivait. Or celle-ci, autrefois, afin de décider leur mariage, avait assuré par contrat sa fortune à son neveu d'abord, puis à leurs enfants, et à elle-même enfin, le cas échéant, selon l'ordre des survivances. Comme il n'y avait pas d'enfants, c'était donc à elle désormais que l'héritage devait revenir. Mais depuis longtemps, une antipathie très vive s'était manifestée entre les deux femmes, et maintenant, par une colère, une rage de ne pouvoir retirer à celle qui fut sa nièce cette succession irrévocable, la tante la martyrisait. Madame Frémont, résignée, passait sur le dénuement où elle était laissée, sur les humiliations, sur les mille misères que rendait facile la vie commune. Mais ce qu'elle redoutait quelques jours de ne pouvoir plus supporter, c'était, dans le continuel remuement d'un passé dénaturé méchamment, le reproche odieux d'avoir rendu son mari malheureux, d'avoir été la cause de sa ruine, de sa mort même. Chapitre 2e. Goutte à goutte, la souffrance de Madame Frémont était tombée sur le cœur d'Antoine, devenu sienne. Ayant renoncé à être heureux jamais, il lui paraissait du moins que ce bonheur à elle eût été pour lui du bonheur encore, et cette haine de vieille femme ouvrait devant son esprit un abîme effroyable. En présence de cette situation, d'une si terrible simplicité que l'effort de son esprit retombait impuissant, son amour se pénétra d'une tendresse profonde, grandit à un dévouement absolu. Il enveloppa la jeune femme d'une sollicitude plus étroite. Son affection prit la douceur d'un amour d'enfant pour une mère. Afin de la consoler, quand il retrouvait à ses paupières rougies la trace de larmes nouvelles, il s'efforçait de détourner son esprit vers des visions d'avenir. Ce malheur un jour cesserait. La tante à 80 ans, peut-être bientôt, la laisserait seule sur la terre, libre enfin. D'ailleurs, avec l'affaiblissement venu de l'âge, sa haine sans doute désarmerait. Lorsqu'elle se verrait malade, lorsque la mort la hanterait de lugubres images, elle éprouverait le besoin autour de soi de soins dévoués, et son égoïsme même, à cause de l'inquiétude ou de l'effroi du lendemain, suffirait à changer ses sentiments. Mais la jeune femme secouait la tête sans espérance. Des mois, en effet, passèrent. La persécution, au contraire, devenait plus violente, plus aiguë, sans trêve. La haine de la tante, avec le déclin de l'âge, à mesure qu'elle entrevoyait plus proche le moment où serait recueillie sa succession, s'avivait de la jalousie d'être vieille et de mourir bientôt, de l'envie dont elle était rongée à la pensée que l'autre allait demeurer, alors qu'elle-même partirait. On eût dit, aux lueurs mauvaises de ses petits yeux durs, qu'elle espérait, à force de la faire souffrir, la décourager de vivre. Antoine, chaque jour, trouvait Hélène plus abattue, plus brisée. Il s'effrayait. Il redouta que ce malheur pût ne finir jamais, que la jeune femme, dont la santé s'ébranlait déjà, succomba la première dans cette lutte où ses forces une à une s'en allaient. Une autre angoisse alors commença. Hélène rêvait de finir son supplice. Elle regrettait de n'avoir point, jadis, par les relations anciennes de sa famille, cherché un emploi qui lui eût permis de gagner son pain. À bout de souffrance, tout son cœur torturé, demandant grâce, et son cerveau redoutant la folie, elle retrouvait, avec une obsession plus précise, plus tenace, la hantise de cette pensée. Son départ lui parut inéluctable, à la merci de la première blessure. Elle partirait. Elle prendrait une place de dame de compagnie, de gouvernante, tout plutôt que cette mort lente où sa détresse se débattait. Ce soir-là, après une scène plus cruelle, sous laquelle elle avait courbé la tête en pleurant, la révolte monta. Antoine, lorsqu'il arriva, vit Hélène se dresser devant lui, grave, avec dans le regard la fièvre d'une résolution subite. « C'en est fait, déclara-t-elle, je pars demain. » Il demeura tout pâle, sans parler. À la pensée de la perdre, il se sentait mourir, et au désespoir de la voir si malheureuse s'ajoutait la terreur du lendemain, l'obscure épouvante de l'inconnu où s'en irait la destinée de la jeune femme. Éperdu, il la supplia de reprendre courage, d'attendre encore. Cette vie lui semblait si horrible qu'il n'était pas possible qu'elle se prolongeât. Sans doute, dans quelques mois. « Dans quelques mois, » dit-elle amèrement, « je serai morte. Mais si elle mourait dans un mois, demain, cette nuit, » malgré soi, gagnée par la chaleur de sa parole, elle soupira. Ah, si cela était possible. Mais tout de suite elle se reprit. Il ne faut pas penser ainsi. C'est mal. Nous ne devons désirer la mort de personne. Puis, lui tendant la main. Adieu, dit-elle tristement. Demain, je serai parti. Il répéta, les régarés, demain. Le spectacle de ses douleurs, à son tour, remuait en elle une tendresse dont l'amertume de son départ devenait plus grande. Mais rien, maintenant, ne pouvait la retenir. Elle reprit. « Oui, demain. Adieu donc. » Antoine sursauta, comme éveillé tout à coup d'une rêverie profonde. « Adieu, » dit-il. Il parut s'arracher de sa présence par un effort violent, puis il s'éloigna sombre, accablé, la tête vers la poitrine. Chapitre troisième. Au matin, par une déférence dernière, Madame Frémont frappa à la porte de la tente pour lui annoncer son départ. Elle ne reçut pas de réponse. La servante, pourtant, déclarait que madame n'était pas encore descendue. Une angoisse brusque poigna la jeune femme. C'était en elle, à la fois, l'espoir fou d'être délivrée miraculeusement, et un remords, un effroi, que le désir coupable formulé la veille put avoir été exaucé. Mais la servante ayant ouvert la porte, elle jeta un cri affreux. La tante, sur son lit, gisait morte, mais au milieu d'une mare de sang, un couteau dans la poitrine. Et un nom jaillit dans la pensée d'Hélène, Antoine. Elle s'évanouit. Lorsqu'elle revint à soi, elle retrouva, plus haute, son épouvante. La fenêtre laissée ouverte. Le dédain manifeste de dissimuler les traces de l'assassinat, les paroles du jeune homme, l'air sombre avec lequel il s'était séparé d'elle. Tout lui criait le nom du meurtrier. Mais tandis qu'une horreur physique la soulevait, elle ne pouvait se défendre d'un sentiment confus d'admiration. Quoi ? Le misérable l'avait aimé à ce point ? Le crime se haussait à une grandeur tragique, héroïque presque. Une pitié infinie, en même temps, l'envahissait. Du bouleversement de ses idées se dégageait le souvenir des soirs où ses paroles l'avaient consolée. Elle revoyait la douceur quiète des heures qu'ils passaient l'un près de l'autre, et le présent, en regard, dressant sur l'avenir des visions de bagne ou d'échafaud, lui apparaissait si effroyable que par instants, elle s'arrêtait de penser et de souffrir avec l'espoir que peut-être elle rêvait qu'elle allait s'éveiller tout à l'heure. Mais de nouveau, une tourmente emportait sa pensée et au fond de sa conscience, une inquiétude naissait. N'avait-elle point, dans ce crime commis pour elle, à cause d'elle, d'obscures responsabilités? Si elle-même ne s'était point complue au charme dont l'amour du jeune homme l'avait environnée, s'il avait été assez forte pour tenir sa souffrance secrète, le malheur, pourtant, ne serait pas arrivé. Elle avait été lâche de se laisser aimer, lâche de lui confier sa torture, plus lâche encore de la vouloir fuir. Le crime venait d'elle, retombait sur elle. Elle ne savait plus si elle ne regrettait point de ne l'avoir pas aimé, elle aussi, car cet amour lui eut rendu le courage dont elle avait manqué. Il ne savait non plus si maintenant elle ne l'aimait point, et si dans ces tempêtes où sa pensée haletait et perdue, ce n'était pas du fond de son cœur torturé un cri d'amour qui jaillissait. Cependant, une agitation remplissait le village. Le nom de l'instituteur déjà courait dans des groupes devant la maison. Pâle, tremblante encore, elle descendit. Sans rien voir autour de soi, elle s'avança de la rue, alla vers l'école. Antoine, le front vitre, à la fenêtre de la classe, semblait l'attendre. Elle entra. « Malheureux, dit-elle, qu'avez-vous fait ? » Antoine, devant son regard, baissait la tête. « Il fallait, dit-il, qu'elle mourût cette nuit. Vous êtes sauvé. Mais vous, vous êtes perdu. Qu'importe ? » Il souriait. Il leva les yeux timidement, joignit les mains. « Me pardonnez-vous » implora-t-il. Maternelle et douloureuse, Hélène alla à lui, le prit dans ses bras. « Pauvre enfant » dit-elle. À ce moment, on envahissait l'école. Derrière elle, une voix cria. « Mais madame, c'est l'assassin !»« L'assassin » dit-elle en se retournant. « C'est nous deux !» C'était « Le crime » par Jean Rébrard.